passer par le béton comme un billet de fer rangé dans la poche de devant. Navré d'être mort en sursis comme tous les vivants. Une pensée sombre pour un de nos regards vides qui croise la photo d'un pote. Y'a que les chiens comme moi qui restent, celui qu'on peut détester. Car je brise souvent les pantins de leur part. Rien à foutre de tous ces bâtards. Prendre la loi du plus fort, le plus armé, le plus crié de l'histoire. Finir comme un serait loin ce combat. Beaucoup aiment les savoir. Beaucoup veulent se tester avec le plus charmé du Tchekar. Rien à foutre de ces conneries, c'est le cas avant dans les études. Rien à foutre de ces conneries, c'est le consiste en comptant sa tue. Glisse les cartouches dans le chargeur, glisse le chargeur dans la crosse. Planque le calibre sous la veste, vas-y montre-leur qui est le boss. Les problèmes se règlent au fusil à pompe. Les problèmes se règlent au 357. Les problèmes se règlent au fusil à pompe. Les problèmes se règlent au 357. Mettre sur la gueule depuis ce putain Néandertal. Alors pourquoi les gens s'étonnent aujourd'hui quand on fout scandale? Ils se posent cette question, mais la réponse est dans nos gènes. La conséquence est dans la rue et c'est ça qui me pose problème. Les peuples entiers marqués par la haine, il faut que le monde comprenne que la trêve est brisée depuis Jérusalem. Pour tous les gars salam, pas question de se faire baiser comme Saddam. Pas question de lâcher les armes, pas question de lâcher une arme. Hardcore sans les rimes reflétant ma vision de façon limpide. Comme une ulcère qui te défonce le bide, réjouissant comme un kipi qui suicide. Mortel comme un gars foncé aux acides, qui cherche l'embrouille et qui trop speed. Enfonce une lame entre les côtes sur quelques centimètres. Bref, quand on s'empisse comme un roast beef mal cuit, soit tu chiales comme un gosse, soit tu sors le fusil sans les tuer. Les problèmes se règlent au fusil à pompe. Les problèmes se règlent au 357. Les problèmes se règlent au fusil à pompe. Les problèmes se règlent au 357. Les problèmes se règlent au fusil à pompe. Les problèmes se règlent au 357. Les problèmes se règlent au fusil à pompe. Les problèmes se règlent au 357.